Il ne faut pas faire attention. Ils sont sous comme des ânes. Merci, madame Céleste. Et ils ne comprennent pas du tout la peine que vous avez. Mais moi, je la comprends, vous savez. Ils font ça en bon garçon, quoi. Ils sont plus bêtes que méchants. Oui. Oh, vous avez raison. Ils sont sous. Ça me fait penser que j'ai oublié de leur offrir à boire. Je vais chercher du vin à la cave. Hein? Niette. Oui. Prenez les verres dans le buffet. Bon. Préparez tout ça. Ça, c'est une bonne idée. Prends du rouge et du blanc, on pourra choisir. J'ai du rosé aussi. Il sort. Nous sommes dans une petite cave voûtée. Il y a de vieilles pelles de four, des fagots de bois de pin, des chaises cassées et quelques petits tonneaux de vin. Le boulanger entre, il chancelle. Puis au mur, il prend une corde. Enfin, il monte sur un tonneau, il essaie de passer la corde autour d'une poutre.